Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag, le rendez-vous où on parle de ce qui fait l'actu sur notre territoire. Et on en parlait il y a quelques jours sur Radioactive avec Sylvie Boitel, chargée de développement économique et touristique à la communauté de communes du Val d'Amboise. Eh bien, on revient aujourd'hui sur le Forum pour l'emploi organisé ce mercredi 5 février à la Maison des associations d'Amboise. L'événement a bien eu lieu et on peut le dire, c'était un véritable carton plein. Dès l'ouverture, le public était au rendez-vous et une heure avant la fermeture, on comptait déjà près de 400 visiteurs. Demandeurs d'emploi, jeunes, personnes en reconversion, curieux aussi, sont tous venus rencontrer les entreprises, les structures d'accompagnement et puis échanger concrètement autour des opportunités locales. Sur place et parmi les nombreux partenaires présents, nous retrouvions Benjamin Renoux, coordinateur jeunesse à la communauté de communes du Val d'Amboise. On l'écoute tout de suite nous parler du lancement de la Bourse au projet 2026, un outil pensé pour accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs idées, qu'elles soient culturelles, citoyennes ou sportives. Benjamin est avec nous, Benjamin Renoux, donc coordinateur jeunesse à la communauté de communes du Val d'Amboise. Alors Benjamin, on reparle de la Bourse au projet cette année, c'est donc un dispositif qui est renouvelé. Oui, tout à fait. Donc c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes qui habitent le Val d'Amboise, âgés de 15 à 17 ans. Et le principe, c'est de faire un stage découverte métier cet été, avec à la clé une bourse de 400 euros qui peut être utilisée pour le permis de conduire, si quelqu'un a un projet sportif, s'acheter du matériel sportif, pour les études, s'acheter un ordinateur, l'équipement, voilà. C'est un stage qui dure combien de temps ? 2 semaines. Donc il y a plusieurs parcours. Il y a pour les jeunes qui souhaitent travailler avec les enfants, on a un parcours en accueil de loisirs pour une découverte. Avant de passer le BAFA, c'est super. On a un parcours culture numérique. On a un parcours aussi engagement, solidarité. Et on a un dernier parcours autour du sport. Si on a des profils qui sont sportifs, il y a possibilité de faire son stage de bourse au projet dans un club de sport. Et donc, il y a une sélection. Les candidatures seront ouvertes sur les vacances de février. Donc, il faut aller sur le site de la CCVA. Il y a un lien bourse au projet. Il y aura aussi des affiches dans les mairies. Ça a été aussi diffusé sur Pronote pour les lycéens du lycée Vinci. Voilà. Et donc, il y a une première sélection sur dossier. Et ensuite, les jeunes qui seront présélectionnés seront reçus en entretien individuel sur les vacances de printemps. Et à la suite de ces entretiens individuels, on gardera vraiment les jeunes qui feront la bourse au projet cet été. Donc on imagine qu'il y a plein de partenaires sur le tissu associatif local notamment qui ont répondu présent pour accueillir ces jeunes. C'est ça en fait, c'est les stages, ils se passent dans des structures d'intérêt général. Donc on ne fait pas ça dans des entreprises, on fait ça soit dans les collectivités, donc soit les communes ou à la CCVA, ou dans des associations effectivement sportives, culturelles. Donc on a travaillé par exemple avec la Croix-Rouge, on a travaillé avec le garage, la galerie d'art, on a travaillé avec Etiquetap, on a travaillé avec Radioactive bien sûr. Donc voilà, on travaille avec les accueils de loisirs. Il y en a pour tous les goûts. Comme je disais, il y a 4 parcours. Donc les jeunes, ils trouvent vraiment ce qui les intéresse. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est des stages qui sont sur une durée de combien de temps à la semaine, par exemple ? Alors ça dépend, parce que par exemple, dans la culture, souvent, on va travailler le samedi. Donc on va pas travailler le lundi. Donc ça va être des semaines du mardi au samedi. Dans les accueils de loisirs, on est sur une semaine classique, lundi, vendredi. On est sur 35 heures maximales de stage. Sachant que pour ceux qui ont moins de 16 ans, ceux qui ont 15 ans, on est à moins que ça, on est à 30 heures. Donc c'est des semaines, des petites semaines, mais c'est des semaines d'observation. Et on peut mettre aussi un petit peu la main à la pâte. Donc voilà. C'est un dispositif qui existait il y a longtemps, dont vous vous êtes ressaisi. L'an dernier, ça a bien fonctionné ? Alors oui, en fait, historiquement, c'était porté par le service jeunesse de la mairie d'Amboise. Et donc, quand la communauté de communes a récupéré la compétence enfance-jeunesse en 2015, c'est un dispositif qui a été transféré à la communauté de communes. En fait, il y a eu une pause en 2023-2024 parce qu'il y avait un petit peu, on va dire, des dérives sur le dispositif. Il y avait des jeunes qui étaient recrutés pour remplacer des gens qui partaient en vacances, ou alors on leur faisait faire des tâches qui étaient un peu pas terribles. Voilà, c'était pas le but. Donc on a mis le dispositif en pause, on l'a réécrit, on s'est vraiment assuré que c'était des missions d'intérêt général. Dans le cadre d'un projet, je peux vous donner un exemple, on avait une jeune qui était en lycée agricole, et donc son projet c'était de travailler avec les chevaux. et qui avaient besoin de se racheter du matériel parce que ça coûte cher, hein, le matériel, les bottes, le matériel, etc. Et donc son projet c'était ça, donc on l'a accompagnée dans ce projet là et elle a pu se racheter du matériel. Donc c'est vraiment au service d'un projet de jeunes dans des stages d'intérêt général. C'est fini les stages où on va un peu prendre les jeunes pour des larbins, on ne fait plus ça du tout. Tu peux nous redonner les coordonnées pour que les jeunes prennent contact avec toi et ton équipe ? Alors du coup ce sera sur le site de la CCVA. Il y a la page pour candidater en ligne, donc les candidatures, il y a un formulaire de candidature, ce sera ouvert le premier jour des vacances. Donc c'est le samedi 14, je crois, premier jour des vacances. Et ça se termine le dimanche 1er mars, les candidatures. Donc ça, c'est sur le site de la CCVA. Il y aura aussi sur les réseaux sociaux de la CCVA, ce sera mis. Sinon, il y aura, comme je disais, des affiches dans les communes. Donc les jeunes peuvent aller dans leur mairie, il y aura une affiche. Il y a un QR code avec leur téléphone, hop, ils scannent le QR code, ils vont directement sur le formulaire. Donc si vous avez 2 semaines de disponibilité, que vous avez envie de réaliser votre projet, eh ben, la bourse au projet, c'est fait pour vous. N'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe de la communauté de communes du Val d'Amboise. Merci Benjamin. Merci, au revoir. Un forum pour l'emploi qui a aussi été salué par Lionel Léva, élu à la communauté de communes, très satisfait de la mobilisation et de l'énergie autour de cette journée. Lionel Léva, vous êtes vice-président en charge de la vie économique, des parcs d'activités, du commerce, artisanat, tourisme à la communauté de communes du Val d'Amboise. Est-ce que vous vous satisfaisez de cette matinée, de ce forum pour l'emploi ? Ben oui, écoutez, c'est la deuxième fois qu'on l'organise et là, je dois dire qu'on a été très surpris du succès. Ça a été, dès l'ouverture, une très grosse affluence et je crois que un peu tout le monde a pu essayer de trouver chaussures à son pied et avec les stands qui étaient un peu répartis. Mais je dois dire qu'on se demandait même à un moment si on n'avait pas vu un petit peu trop petit. Ce lieu central en centre-ville, il est peut-être aussi idéal pour ça ? Ah ben, c'est très clair que je crois qu'on a trouvé notre lieu. On voit la différence. Il y a eu beaucoup, beaucoup plus de monde cette année que ce qu'il y avait eu l'année dernière quand on était au lycée viticole. Donc, un forum que l'on retrouvera les années suivantes ? Ah ben, je pense en effet. L'édition de cette année est extrêmement positive. Elle est très encourageante. Et on va définitivement continuer ce genre d'activité et ce genre d'événement parce qu'on voit que c'est utile. On voit que les gens sont demandeurs et surtout que tout le monde répond présent, aussi bien les entreprises que les gens qui sont à la recherche d'un stage ou d'un emploi. Vous avez des retours positifs justement des participants, vous qui êtes élu justement au commerce, artisanat, tourisme, vous êtes amené à côtoyer tous ces professionnels régulièrement. Vous avez des retours positifs sur ces temps justement d'échange et de rencontre avec le public ? Ben oui, plutôt oui. Alors c'est toujours très compliqué hein, le marché de l'emploi. Il y a beaucoup d'exigences de part et d'autre, aussi bien de la part de ceux qui cherchent un emploi ou qui proposent un emploi. Et donc, oui, la réponse est très positive. Il suffisait de regarder les queues qu'il y avait devant certains stands où les gens ont attendu plus d'une heure pour pouvoir bénéficier d'un moment d'interview avec les entreprises. Et donc, oui, je crois que c'est positif et qu'il faut, il faut s'en réjouir. C'est une belle initiative. Merci beaucoup, Lionel Léva. Ben, merci à vous, Marlène. C'était un plaisir. Au vu de l'affluence, des retours très positifs des exposants comme des visiteurs et de l'importance de créer des ponts directs entre l'emploi, la formation et les jeunes du territoire, ce forum coche clairement donc toutes les cases. Tout laisse à penser que ce rendez-vous a trouvé sa place et qu'il pourrait bien s'inscrire durablement dans le paysage local comme un événement désormais incontournable pour l'emploi et l'insertion sur le Val d'Amboise. C'est la fin de ce mag, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque jour sur les ondes de Radioactive et à demain pour un nouveau numéro. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.